j'ai pas fini encore un peu, s'il te plaît. Eh mais c'est bien ce que tu fais là. Jette un regard sur la vie, des postillons sur l'antipop. Entre les problèmes qui s'empilent, le temps qui passe, la perte de potes. Reprise d'opposition, petit, je prévois de défoncer les portes. Pour toutes les pauvres mères en pleurs et les victimes de notre époque. Les frères pétés pour du pilon, les darons pétés au dilon. Écoute la map et n'en dis long, pensez pour les purges en prison. Frollo comme on frollo si vite, tu piches en pourson, c'est précis. Et je rappe depuis même pas si piches, depuis mes pages, j'éponge mes larmes. Mes crimes, mon pic et larmes de crime. Pour seul hommage, débite mes rimes. Vécu à mer, mes dignes, rien à perdre, donc tout à dire. Rien à faire, alors on mise. Rôle du samedi au samedi. Roule de midi à minuit pour ceux qui méritent qu'on milite. Un peu de minutie dans mes lignes. Engagé à vie, gagé la rage car j'ai compris que personne n'entendait nos cris. Qu'on perd rarement le juste prix. L'écart se creuse quoi qu'on en dit. Pour t'as construit mes écrits mais je fusille dans mes récits. 100% yeah.